19 novembre ou 19 euros par mois en abonnement digital. Vous êtes en voiture. Comme 70% des automobilistes, vous écoutez la radio en roulant. Comme 100% des automobilistes, vous trouvez que le carburant est trop cher. Mais Carrefour lance une opération jamais vue. Les jours carburants. Le carburant à prix coûtant du 5 au 17 novembre dans vos hypermarchés Carrefour. Car chez Carrefour, nous sommes à 100% pour votre porte-monnaie. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Hors GPL et E85, conditions et magasins participants sur carrefour.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Nolwenn Leroy. Son nouvel album Folk. So far ago from Frisco. Folk, le nouvel album de Nolwenn Leroy. Je n'oublierai jamais. Disponible maintenant. La baie de Rio. Avec RTL. Noroto. C'est bon pour les niveaux de la voiture? Ah oui, c'est même super bon. Enfin, t'emballes pas quand même, t'as juste remis de l'huile. Oui, mais à prix Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits. Comme l'huile Total Activa 9000 5W40, maintenant à seulement 32,95€ les 5 litres. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Il est pas trop fort ton champion? Oui, c'est mon champion. Ouais, alors. Noroto. Conditions sur noroto.fr. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi. Mireille Mathieu, vous chantez dans plusieurs langues dans cet album. Combien exactement? C'est la question que nous posions à nos auditeurs. Dans 7 langues. 7 langues, vous nous avez appelé au 3210. Vous avez donc gagné Mes Classiques, cet album qui sort vendredi. Je rappelle qu'il y a une double édition vinyle avec des photos absolument magnifiques. On était très heureux de passer cette matinée merci avec vous, Mireille Mathieu. Merci de m'avoir accueilli. Vous êtes la bienvenue dans cette maison. Merci à Steven et Isabelle qui nous ont accompagnés. Et juste avant de nous séparer, de retrouver Julien Courbet, je voulais juste vous faire écouter mon classique à moi de Mireille Mathieu, oui, qui est celui avec lequel je vous ai découvert. Voilà, c'était un clin d'œil, le texte est de Gaston Bonheur et nous l'avons passé récemment, vous savez, quand on avait une polémique invraisemblable sur les accents. Quand on vous écoute, bah voilà, quand on vous écoute, vous, ça nous fait beaucoup de bien. Passez une très bonne journée, on peut maintenant retrouver Julien Courbet. Julien, c'est à vous. Bonjour Monsieur Calvi, comment allez-vous? Bah bien. Mes amitiés à Mireille, bonjour, que Julien. J'adore. Julien, je voulais te dire que je voulais t'envoyer un SMS pour te féliciter pour ton audience à RTL, mais surtout, c'est capital aussi. Oh, merci Mireille. Je merci. Alors là, le groupe M6 est en pamoison. Voilà. Et qu'elle sache, j'ores et déjà, que je lui fais 20% sur son prochain achat de fenêtre. Ça, c'est pour moi. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup, Mireille. Merci. Nous allons donc attaquer. Écoutez, c'est formidable de démarrer comme ça. Nous allons attaquer avec l'émission que nous envoient les auditeurs et celle de Julien. Je vous appelle du Finistère. Je suis fabricant de conserves de poissons artisanales. Un client me doit 3 factures. Il y en a pour 5 756 €. Malgré une mise en demeure, il ne règle toujours pas. Et cela fait des mois que ça dure. Nous enchaînerons avec Noël Jean qui nous dit ceci. Je vous appelle des Ardennes. Démarché par téléphone. J'ai versé un acompte de 2 550 € pour la pose d'une fenêtre, une porte de service et 11 volets. On a pris l'argent et personne n'est venu. Évidemment, pour régler tous ces problèmes, la Dream Team est là. Il y a la grande avocate pénaliste, la meilleure, Maître Noakovic. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Il y a Maître Felono qui est là. Bernard Sabat, le négociateur. Bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Hazard. Il y a Charlotte, il y a Céline, il y a JB. Xavier Kassovic réalise l'émission. Nous sommes prêts à vous aider et nous allons le faire gratuitement. Même si ça ennuie quelqu'un. Nous allons donc accueillir Julien dans une seconde. Mais auparavant, mes amis, il y a un énorme voyage à gagner. Il y a Air Tahiti Nuit qui vous offre un séjour, Maître Noakovic, de rêve à Tahiti. Pas pété, tant mieux. Moréa, Bora Bora, ces îles évoquent un paradis au barré. C'est une délicatesse, non mais aller dans un endroit aussi idyllique pour finalement tomber sur quelqu'un qui a des problèmes digestifs, c'est quand même idyllique. Vous embarquerez à deux grâce à Air Tahiti Nuit en classe Moana. Une incroyable expérience de voyage. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte que vous gagnez un voyage à Tahiti. Donc tout de suite, vous envoyez par SMS RTL au 74 900, 75 centimes, ou bien le 3210, 50 centimes la minute. D'ailleurs, on rappelle que pour nous joindre, vous pouvez dès maintenant également faire le 3210 si vous avez un souci. Vois-tu, alerte ou patraque, peut-être victime d'une arnaque, j'ai quelqu'un pour te soigner, appelle Julien Courbet. Ce fantastique voyage Air Tahiti Nuit sera gagné à la fin de cette émission. Accueillons maintenant Julien. Julien, bonjour. Oui, bonjour Julien. Avez-vous déjà été à Tahiti, Julien ? Non, mais peut-être qu'avec les factures que me doit mon client, je pourrais le faire. Voilà un homme qui retombe toujours sur ses pieds. Car effectivement, il pourrait, avec ce qu'on lui doit, pouvoir envoyer sa fille à Tahiti. Non, c'est pas sa fille, lui, c'est les conserves de poissons artisanales. Alors racontez aux auditeurs d'RTL. Alors, je suis un fabricant de conserves de poissons dans le Finistère. Donc, j'élabore les recettes, je mets en bocaux et je les vends à d'autres professionnels. Donc là, il y en a un notamment qui me doit 3 factures depuis le mois de mars-avril. Alors, une société peut avoir des soucis de paiement. Est-ce qu'au moins, elle vous appelle pour vous prévenir, pour vous dire, voilà, on a quelques petits soucis, peut-on étaler tout ça ? Alors, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone jusqu'à fin septembre, où il m'a à chaque fois promis différents règlements à différentes échéances, ce que j'ai accepté parce que, bah, voilà, je suis prêt à faire des concessions à étaloser le paiement. Et depuis 3 semaines, 1 mois, j'ai plus de nouvelles. Est-ce que ça vous met vous-même dans une difficulté financière particulière ? Bah écoutez, j'ai également des fournisseurs à payer et puis là, je suis en train de monter mon stock pour préparer les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Donc effectivement, ça me met un petit peu en difficulté vis-à-vis de mes autres fournisseurs. Alors évidemment, on peut toujours lancer la machine judiciaire, Maître Novakovic, mais ça prend du temps. Et ce que l'on oublie, c'est que le problème de la lenteur, et la justice est lente parce qu'elle n'a pas assez de moyens, c'est que pendant ce temps-là, Julien, lui, a des problèmes de trésorerie. Donc il faut arriver à trouver des solutions rapides. Oui, Julien, c'est toute la difficulté parce que pour lui, c'est une somme importante. Il s'agit d'une somme de 5 756 euros. Et malgré ses relances, y compris écrites par une lettre commandée du mois de juillet, rien ne se passe. Donc il était bien gentil. Et moi, je conseille toujours effectivement aux auditeurs, plutôt que d'attendre, il vaut mieux faire un référé parce que là, c'est incontestable. Vous avez un bon de commande, une facture, tout est dû. Il ne conteste pas. Donc en référé, ça pourrait fonctionner devant l'aile de commerce. Essayons tout de suite. C'est parti, Céline, d'appeler la société en essayant déjà d'avoir sa version des faits, bien évidemment. Elle a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Julien et voir comment les choses pourraient s'arranger et pour l'un et pour l'autre. J'espère que ça va répondre. Normalement, oui. C'était le cas il y a quelque temps. Allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour. Christine ? Oui, bonjour. Bonjour Christine. Vous êtes un peu loin. C'est Julien Courbet, c'est la radio RTL, Christine. Oui, bonjour. Bonjour, je suis avec Julien Brown, qui me dit que malheureusement, il a que des petits soucis avec sa conserverie de poissons artisanal et un impayé. Il aurait aimé savoir ce qui se passait, trouver peut-être un accord avec vous. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Vous voyez, il faut qu'il contacte mon mari, monsieur. Ah, c'est votre mari qui s'en occupe ? Voilà, ça ne m'appartient pas. Alors, très bien, nous allons peut-être le faire. Ok, je ne sais pas, j'étais persuadé que vous bossiez dans la maison. Julien, non, donc nous allons... Il n'y a pas de souci, madame, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. C'est Fabrice le gérant. Merci, madame, bonne journée. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un accord, il n'y a aucun souci. Bon. Il y aura un arrangement, voilà. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'a pas de nouvelles, madame. Moi, j'ai rien à faire dans l'entreprise, donc... D'accord. Si vous n'avez rien à voir avec l'entreprise, madame, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Au revoir, madame. Et au passage, peut-être pourra-t-elle garder cette dame un peu de cet argent pour acheter un nouveau kit main libre, voilà. Car celui-ci, malheureusement, est en fin de vie. Mais ça, elle n'y est pour rien. Donc, elle ne travaille pas dans la société, Julien ? Je pense que si, parce que c'est elle qui passait les commandes. Par contre, au téléphone, c'est plutôt son mari, effectivement. D'accord. Bon, alors elle passe les commandes. Donc, nous appelons Fabrice, mais il ne répond pas, visiblement. Pour l'instant, non, c'était le répondeur. Bon, eh bien, de toute façon, je pense qu'elle va le prévenir. Peut-être pouvez-vous essayer de lui envoyer un texto, Bernard, et d'essayer de la voir. Je le fais, Julien. Bon, Julien, je vous mets en attente quelques instants. Alors, parlez-nous de cette conserve de poisson artisanale. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc, il y a différentes gammes de produits, des petites rillettes de poisson, donc plutôt destinées à l'apéritif pour faire des toasts, ouais. Des gammes de poissons entiers avec différentes recettes de sardines, de thon, de maquereau, quelques plats cuisinés, voilà, qui après sont destinés à un réseau d'épiceries fines de cave à vin. Eh bien, c'est très bien, Julien, tout ça. Écoutez, là, je ne vais pas vous dire que ça me met en appétit à 9h39, j'ai encore un peu le goût du café dans la bouche, donc effectivement, le maquereau et la sardine. Mais j'adore, je suis preneur des petits toasts. Maître Fellono est très toast, donc je pense que vous allez vous entendre avec elle. J'attends votre commande, alors. Dès que nous avons l'atelier de Christine, Julien, il ne perd pas vraiment le nord. S'il n'arrive pas à résoudre mon problème, il va m'acheter des conserves, au moins, ça compensera. Dès que vous l'avez, il y aura la petite alerte que vous allez entendre. La voici, vous connaissez le principe, en général, ça arrive dans la demi-heure qui suit. Ça va nous permettre, dans une seconde, de lancer le cas numéro 2. Noël Jean a versé 2550 euros d'acompte pour la pose de fenêtres et volets en mars, mais l'artisan n'est toujours pas venu faire les travaux. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a Tahiti à gagner grâce à la compagnie Air Tahiti.

malheureusement, on n'a pas trouvé de solution. Là, je viens à peine de trouver une solution. Alors, bon, c'est compliqué de vous parler en antenne de ça, monsieur. Non, mais je comprends bien, monsieur. J'essaie juste de trouver un arrangement. Julien est en difficulté. On va le faire. Et d'ailleurs, je vais faire envoyer le mail. Alors, ça ne sera pas aujourd'hui parce que ce ne sera pas possible, mais je le ferai demain. Bon. Demain, le mail sera envoyé avec les conditions des arrangements. Puis encore une fois, on est navré pour lui, parce que ce monsieur, il fait tout seul, et on comprend qu'il soit déçu, navré et en colère. Alors Julien, déjà peut-être une réaction, vous voyez, ce monsieur va essayer peut-être d'arranger les choses, il va vous parler hors antenne de toute façon, mais je dis bien hors antenne, puisque là, je respecte tout à fait ça, mais vous voulez lui dire quelque chose, Julien ? Non, rien de particulier, c'est juste le manque de nouvelles qui m'inquiétait, qui me dérangeait. De toute manière, après, j'étais d'accord, je vous avais déjà proposé plusieurs fois un échéancier, pas fermé. Mais c'est vrai, il a toujours été positif. On peut pas lui enlever. C'est même pour lui navrant par rapport à cette situation. Bon, alors écoutez. Parce qu'il y en a qui sont parfois malhonnêtes et qui rajoutent des choses incroyables. Et alors que c'est pas le cas de Monsieur Braun, et voilà. Ce qui compte, c'est qu'on soit entre gens de bonne compagnie. Donc vous allez lui parler hors antenne. Je vous déconnecte. Vous n'y êtes plus. Merci de nous avoir parlé en tout cas, monsieur. Vous voyez avec Julien l'accord que vous allez pouvoir trouver, et Julien nous en parlera dans une seconde. Bernard, vous récupérez, c'est parti. Bon, première chose, une règle d'or que l'on va répéter pour ceux qui subissent un impayé, je le rappelle, ça peut mettre, c'est pour ça qu'il faut aller vite aussi, parce que on est les premiers à vous dire, allez en justice, nous ne sommes pas la justice, nous ne le serons jamais, et nous ne voulons pas l'aide, nous essayons de faire en sorte que les gens se parlent pour que ça aille plus vite, parce que ça peut avoir des conséquences si le paiement n'arrive pas après 2 ans de procédure, terrible et pour l'un et pour l'autre. La règle d'or sur RTL. Et je vous pose la question, peut-être un peu trop juridique, mais quoi qu'on fait dans ces cas-là, Maître Novakovic, quand on n'est pas payé, tout de suite. Eh bien, déjà, dans un premier temps, le conseil que je donne aux éditeurs en matière commerciale, quelle qu'elle soit, de toute façon, il faut systématiquement signer un bon de commande. C'est impératif. Parallèlement, vous avez effectivement une facture qui doit être établie. Et si vous vous apercevez que cette facture n'est pas réglée dans le mois qui suit, eh bien vous adressez une lettre commandée avec accusé de réception. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de règlement, que ça ne vient pas, alors que rien n'est contesté, eh bien vous saisissez en référé le tribunal de commerce et vous demandez une date urgente pour demander une condamnation immédiate en référé, et dans ces conditions, vous pouvez ensuite faire exécuter par voie d'huissier. Maître Novakovic est une spécialiste du SI, car elle a toujours une solution après la première solution. Et si ça ne marche pas? Bah oui, il y a plusieurs hypothèses. Et des fois, je me rappelle une explication qui avait duré 7h40 à la 7e heure. Et si ça ne marche pas, vous partez à Madagascar, où là, vous irez vivre dans la forêt, seul. Parce qu'il faut bien trouver une solution. Alors, Maître Fellonaut, tartinade d'algues. On est bien d'accord, hein, Julien ? Là, ils sont en train de parler à trois. Rillettes d'araignée de mer, rillettes Saint-Jacques, tourteaux d'haricots de mer et artichauts. C'est ce que proposent les poissons d'Ouest, fabrication artisanale. Merci beaucoup, Julien. Tenez-moi au courant, je vous reprends tout à l'heure. Entendu, merci à vous. Dites-moi comment ça s'est passé pour cet échéancier. Le cas numéro 2 arrive. C'est Noël Jean, il a mis des sous de côté pour pouvoir améliorer le confort de sa maison. Il a payé 2 550 € pour des volets qui n'ont pas été posés. Et ça se passe sur RTL dans quelques instants, première radio de France. Come on!

Bah, ça va faire 7 mois. Hein. 7 mois, vous entendez bien, mais vous allez comprendre un petit peu mieux grâce à JB, notre journaliste, qui s'est interrogé sur les prix, qui sont d'ailleurs pas excessifs, au contraire, très peu chers, ce qui fait que d'ailleurs, Noël Jean, c'est pour ça que vous avez choisi ces gens-là ? Et voilà, voilà. Parce qu'ils étaient pas chers. Alors vous vous êtes renseigné, JB ? Et oui, parce que le montant total du devis de l'artisan se chiffre à 5100 euros TTC, donc pour 11 volets battants, une fenêtre, une porte de service, nous interloqués. J'ai voulu montrer ce devis à un autre professionnel, en l'occurrence à Thierry Chiron. C'est le directeur de Rénov Habitat qui travaille au sein du réseau Jeannot. C'est à Volpény, en Seine-et-Marne. Et voilà ce qu'il me dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un devis comme ça, il est vraiment très très bas et ça ne me paraît pas conforme à la prestation. Nous, c'est un devis qui arriverait certainement aux alentours des 11 000 euros, quoi. Fourni, posé, installé. Et puis, il m'a ajouté qu'un devis, normalement, se veut beaucoup plus détaillé, avec notamment des précisions au niveau de l'isolation. Or, pour le coup, il n'y a pas grand-chose sur le document délivré. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on vous propose... Vous avez trouvé la publicité où, Noël Jean ? C'était une démarche par téléphone. Ils ont appelé, puis j'ai rappelé aussi. Du démarchage par téléphone. Alors, Maître Felonneau, votre analyse juridique là-dessus. Alors, effectivement, ce devis, il est ce qu'on appelle sibyllin, c'est-à-dire qu'on connaît quand même le nombre de menuiseries, mais on ne sait pas le prix unitaire. Ce qui fait qu'effectivement, si on veut comparer les prix, on ne peut pas. On a un prix global à la va-vite, c'est fait à la main, et puis surtout, on a ensuite un abonné absent. Est-ce que la loi oblige à ce que l'on soit très précis, c'est-à-dire deux baguettes de 1m40, deux ci, deux là ? Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le droit d'information, c'est très légiféré et l'on doit indiquer le prix détaillé à l'unité sur le devis. Après, on marque le nombre d'unités. Donc là, il n'y a absolument rien sur ce devis. Mais surtout, Julien, s'il n'y avait que ça, on s'en moquerait un peu. Il y a une indication de 12 semaines de délai de livraison et d'installation. On en est à 7 mois. Et surtout, un monsieur qui envoie un SMS en disant « Je suis en vacances, mais j'arrive bientôt ». Et puis, silence radio. Donc, on va essayer de lui rappeler ses obligations. Nous allons appeler dans quelques instants et nous allons voir si nous allons trouver du pétrole ou non. Et puis, il y a toujours le voyage. Car Tonton Georges, qui est venu avec ce beau voyage, nous rappelle qu'il faut faire vite car c'est à la fin de l'émission que vous partirez, vous avez bien entendu, à Tahiti. Bora Bora, Moréa, Papeete, Air Tahiti Nuit, la compagnie où Xavier Kassovitch m'expliquait que pour l'avoir pris, je ne sais à quelle occasion, les hôtesses se mettent vraiment en tenue. Non mais prenez le micro, expliquez. Bah, dès qu'on a décollé, bah, se mettent en tenue locale. Ouais. C'est-à-dire, elles mettent un paréo Exactement, avec les couleurs locales, orange et tout ça. Bon, voilà. Eh bien, mettez-moi juste un aller-retour, je ne resterai pas sur place pour mettre 48 heures d'avion à voir des hôtesses qui vous servent en paréo. Dites-moi, vous vous rendez compte un peu ce qu'on vous offre aujourd'hui, 3210, ou bien vous envoyez RTL au 74 900. A tout de suite pour appeler cette compagnie-là de fenêtres et de volets, parce que c'est très étrange. Juliette, regarde. Tadam ! T'as un iPhone, toi ? Hé hé ! Avec les super promos Leclerc, l'iPhone 6 avec 32Go de mémoire et reconnaissance digitale est à 349 euros. Pour cet iPhone ? Non, je le crois pas. Si, et avec en plus 50 euros de ticket Leclerc. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. L'iPhone 6, 32Go, gris sidéral, Apple, est à 349 euros. Avec en plus 50 euros en ticket Leclerc. Vendu seul, compatible tous opérateurs, voire modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. Je peux le voir ? Oui, mais alors de loin. Chez Air Transat, nous savons qu'il y a de nombreuses raisons de visiter le Canada en hiver. Les grands espaces, les balades en motoneige et finir sa journée dans un spa ou au coin du feu. Et puis le Canada, c'est aussi des rencontres authentiques et des expériences culinaires. Parce que toutes les raisons sont bonnes. Avec Air Transat, élue meilleure compagnie aérienne loisir au monde, vous êtes déjà au Canada. Montréal, Québec, Toronto ou Vancouver, à partir de 356 euros TTC, aller-retour. Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Intermarché vous propose d'écouter 3,78 euros. Jusqu'au 18 novembre chez Intermarché, le pack de 2 fois 500 ml de gel douche Sanex est à moins 40%, soit 3,78 euros. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 3,78 euros le litre. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. La France Mutualiste. Bon, j'ai compris. Pour l'assurance vie, tu me conseilles la France Mutualiste. Mais pour la voiture de mon fils, tu passerais par qui ? Ben, la France Mutualiste. Ils font les deux ? Oui, et ils comparent même les assurances pour ton appart, si tu veux. On est bien chez eux, alors. T'as tout compris. Avoir un conseiller en assurance mutualiste, c'est rassurant. Épargne retraite, auto, habitation, prévoyance, santé, La France Mutualiste, l'assurance d'un esprit de famille. Rendez-vous sur lafrancemutualiste.fr. La France Mutualiste. Groupe La France Mutualiste, mutuelle et intermédiaire d'assurance. Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Aubrac, Salers. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors, monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Ah ben, un goût incomparable. Hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la Limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salers ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la Blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gasconne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Merci d'avoir choisi RTL. Deux cas ont été lancés. Dans quelques instants, le coup de fil vérité pour savoir ce qui s'est passé dans le dossier de notre auditeur. What's the sense in sharing this one and only life? Vous écoutez RTL, il est 10h01. L'information, c'est avec vous, Agnès Bonfillon. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Un premier corps retrouvé sous les décombres à Marseille. Les recherches se poursuivent 24 heures après l'effondrement de deux immeubles dans le quartier de Noailles, en plein centre-ville. Bonjour Étienne Baudu, vous êtes le correspondant de RTL à Marseille. Un corps retrouvé donc et des personnes toujours portées disparues. Oui, un homme a donc été retrouvé ce matin dans les décombres, un homme dont on ne connaît pas encore l'identité. Les médecins légistes sont sur place. Par ailleurs, les gravats sur la rue et le trottoir ont été dégagés et donc a priori la présence éventuelle de deux passants pris sous l'effondrement est à exclure. À l'heure actuelle, le bilan est donc d'un mort et sept disparus, quatre personnes qui habitaient l'immeuble et trois invités qui auraient pu être présents hier matin et qui n'ont toujours pas donné de nouvelles. Alors les recherches se poursuivent évidemment, mais elles vont être encore laborieuses et longues. Des poches de vie ont été découvertes cette nuit. Il y en a peut-être d'autres. Et donc, les sauveteurs avancent avec prudence au cas où il y aurait des survivants. Des recherches rendues difficiles par les conditions météo. Il pleut et il vente sur Marseille. Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Emmanuel Macron veut regarder comment améliorer le chèque énergie pour les ménages les plus modestes. 85 millions d'euros versés aux victimes des attentats du 13 novembre à Paris. On l'apprend à l'instant. Première provision annoncée ce matin par le fonds de garantie qui prend en charge les personnes blessées physiquement, psychologiquement ou les ayant droit. Je vous le disais, Emmanuel Macron veut regarder comment améliorer le chèque énergie pour les ménages les plus modestes. Le président de la République était chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Il a également déclaré ne pas être contre la défiscalisation de l'aide au transport. Bien au contraire, comme l'a fait la région des Hauts-de-France, le dispositif pourrait être étendu à tout le territoire. Il faut aider les citoyens les plus modestes qui n'ont pas le choix, ce sont ces mots, à 10 jours, je vous le rappelle, d'une mobilisation contre la hausse du prix des carburants. Le prix de l'essence, ce n'est pas ce qu'ils dénoncent depuis hier. Les ambulanciers à Paris, ils sont une cinquantaine à encore bloquer ce matin le périphérique intérieur entre la porte d'Ivry et la porte de Bercy. Ils sont remontés contre la réforme des transports sanitaires. Les ambulanciers craignent que seules les grosses structures ne puissent s'en sortir financièrement avec des partenariats. Et puis, sachez que le trafic TGV est fortement perturbé sur l'axe Bordeaux-Paris. Un train de fret a arraché une caténaire aux alentours de Saint-Pierre-des-Corps. Pas de retour à la normale prévue avant la mi-journée. La bourse de Paris ouvre en très légère hausse, plus 0,18%. Le CAC 40 gagne 9,41. On passe à la météo du jour. C'est franchement pas joyeux. Temps maussade sur une grande majorité des régions, surtout sur le sud-est où les pluies seront soutenues du Languedoc à la région PACA. Pour avoir un temps plus calme, direction le nord et le nord-est, une fois n'est pas coutume. Les températures cet après-midi, 11 à Aurillac, 12 à Cognac, 13 au Mans et Toulouse, 14 à Montélimar, au Havre, 15 à Rennes et Orléans, 16 à Caen et Mulhouse, 17 à Paris et Abbeville, 18 à Lille, Perpignan et Nice, 20 à Bastia ou encore 21 à Ajaccio. Les courses, elles, auront lieu à Saint-Cloud aujourd'hui. Les pronostics sont signés Dominique Cordier, les voici, le 17, le 4, le 11, le 7, le 2, le 8, le 9 et le 16, dernière minute, le 2. 10h04 sur RTL, l'heure de retrouver toute l'équipe de Julien Courbet. Ça merci peut vous beaucoup Agnès, on vous retrouve à 11h à tout à l'heure pour d'autres infos. Allez mes amis, il est 10h05 et à l'instant même une alerte Bernard, que se passe-t-il? C'est le cas de Julien, le cas numéro 1 Julien. On aide un fabricant de conserves de poissons artisanales, un de ses clients lui doit 3 factures pour un montant de 5 756 euros. Et nous avons eu tout à l'heure Fabrice, le gérant, qui nous a expliqué qu'il avait des difficultés. discuté, il ne s'est pas dégonflé, il nous a dit voilà, on a de gros problèmes, il faut que j'arrive à trouver un accord avec Julien, c'est vrai que je ne l'ai pas tenu au courant, j'aurais dû le faire, mais je veux essayer de trouver une solution. Ils ont discuté hors antenne, Bernard, où en est-on s'il vous plaît ? Alors justement, la bonne nouvelle c'est que lui, notre gérant, évidemment Fabrice, dit avoir payé une facture de 2 038 €, ça veut dire que le montant de la somme globale due est de 3 600 au lieu de 5 000. Donc là, Julien, notre auditeur, va le pointer. Et il va m'envoyer le justificatif, évidemment, par mail. Deuxième point, il va faire l'échéance suivante, si vous êtes d'accord, Julien. Il va vous payer à partir du 15 du mois prochain une échéance de 300 € par mois sur lequel il s'engage et qu'il va l'écrire et confirmer par mail. Écoutez, moi, je n'en avais pas besoin, mais puisque vous dites qu'il va me payer Julien... Non, pas vous, Julien, prendre. Notre auditeur, s'il vous plaît, pardon. Je vais les prendre et écoutez, j'en trouverai bien un petit usage à faire. Donc écoutez, Julien, l'autre, je suis navré, mais il a décidé de me les donner à moi. Non, c'est pas... Bah vous m'en rendrez un petit peu en m'achetant des conserves. Alors dites-moi, et vous avez bien raison, dites-moi Julien, est-ce que ça vous convient ? Je voudrais vraiment mettre en avant la bonne foi et la gentillesse de ce monsieur qu'on a eu en ligne. C'est pas facile dans ces moments-là. Il n'a pas pu dialoguer à l'époque, il n'a pas eu le réflexe, mais en tout cas, il trouve une solution. Est-ce qu'elle vous va ? Oui, je suis d'accord avec lui. Bon, eh bien écoutez, c'est parfait. Donc on dit merci et bravo à ce monsieur. J'espère vraiment qu'il va pouvoir redresser la barre, Fabrice. Et vous, Julien, vous me tenez au courant dès que vous avez le paiement, d'accord ? Entendu. Merci. Deuxième cas et bonne chance, Julien, pour la suite, pour le Poisson merci d'Ouest à vous qui fait et de la. Félicitations pour vos émissions. C'est très gentil. On rappelle qu'on trouve ces produits dans les épiceries fines, les Poissons d'Ouest. Allez voir donc sur son site internet. Nous avons maintenant le deuxième cas, ma chère Charlotte. Oui, c'est Noël Jean. Il a payé 2 550 € pour des fenêtres et volets qui n'ont pas été posées depuis le mois de mars. Il avait mis des sous de côté pour cette commande. Aujourd'hui, il souhaite qu'on le rembourse. Et pourquoi est-il passé par eux ? Parce qu'ils sont quasiment moitié prix, mais ils sont moitié prix parce qu'ils ne livrent pas 7 mois qu'il attend. 7 mois, nous avons eu confirmation grâce à JB qui a téléphoné à des concurrents qui disent tous ça doit tourner autour de 10 000. Alors après, les prix sont libres, certains vont être à 12 000, d'autres à 9 000, mais pas à 5 000. Et du coup, il n'a rien. Et là, nous nous apprêtons à lancer l'appel téléphonique. Mais avez-vous quelque chose à rajouter, Maître Fellonneur ? Alors, non seulement le devis n'est pas conforme à la devoir d'information et au prix qui doivent être indiqués, mais en plus et surtout... C'est un démarchage à domicile, nous dit notre auditeur, et il n'y a pas le formulaire de rétractation. Il y a un délai de 14 jours pour changer d'avis. Et ça, ce sont des choses qui sont très graves que de violer cette loi qui est faite pour protéger les consommateurs depuis très longtemps. Il y a des sanctions pénales lourdes. Rappelons que le démarchage à domicile, ce n'est pas seulement « je viens, comme le pensent certains », sonner à votre porte, c'est également par téléphone. Exactement. Vous savez, quand on vous dit venez chercher un cadeau, allô, bonjour monsieur machin, il y a un cadeau qui vous attend à la boutique, c'est du démarchage à domicile. Exactement. Bon, alors il va falloir mettre tout ça, eh bien préparons le numéro. Mmh. Bernard ? J'ai envie de poser une question, Julien. Si je suis démarché dans le cas d'un salon où je me balade, d'un salon comme la Foire Exposition, est-ce que c'est considéré comme du démarchage à domicile ? Je vais poser la question à Maître Nankovic, mais je dirais non, moi. Pas le salon, c'est pas du démarchage à domicile puisque j'ai fait... Absolument, si vous faites vous-même la démarche, ce n'est pas démarchage à domicile. Le démarchage à domicile, c'est qu'on vient chez vous, on vous contacte par téléphone. Ok. Voilà, merci pour la question. En tout cas, Bernard, vous voyez, ça fait 20 ans que j'étais persuadé que vous n'écoutiez pas ce qu'on dit. Et ben, vous m'avez bien mouché, en tout cas. Dans quelques instants, nous allons donc lancer cet appel. Il y aura un troisième cas ensuite. Le cas d'Angélique, elle fait construire sa maison en 2010. 8 ans plus tard, des taches sombres apparaissent au plafond. Un petit peu comme moi. Mais moi, on m'a dit qu'on ne pouvait pas les enlever. Alors je vais les garder jusqu'à la fin de mes jours. La règle d'or. Marc, client Netatmo. On peut être retraité et s'intéresser aux nouvelles technologies, surtout quand elles sont utiles à mon confort et à mon porte-monnaie. J'ai installé facilement le thermostat et les têtes thermostatiques intelligentes Netatmo sur mes radiateurs. Bah depuis, il fait bon vivre à la maison. On ne perd plus de temps à régler le chauffage. Et ma femme ne se plaint plus d'avoir trop froid quand moi j'avais trop chaud. Avant, ça chauffait entre nous. Hein. Maintenant, ça chauffe, mais pour nous. Comme Marc, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligentes pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 € remboursés sur nos solutions de chauffage intelligentes. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Passez une bonne matinée avec RTL. Noroto. Oh, c'est bon d'avoir du bon son, non ? Ouais, et au niveau du prix, on est bon comment ? Eh ben là, non, hein, on n'est pas bon. Hein. On est plus que bon avec Noroto. Noroto a déjà baissé le prix de 5000 produits, comme l'autoradio Pioneer Bluetooth, maintenant à seulement 89,95 €. Parce que c'est bon de ne pas mettre tout son argent dans sa voiture. Alors, c'est qui le meilleur ? C'est toi. Noroto. Valable sur modèle MWH S41BT. Cette semaine, tirage exceptionnel, Euromillion Malmillion. Ce mardi et vendredi, 10 joueurs en France vont gagner 1 million d'euros chacun. Alors, imaginez. Moi, j'achète un chalet dans les Alpes. Avec vue sur le Mont Saint-Michel. Puis-je pars faire le tour du monde. Dans un jacuzzi géant. FDJ. Offre valable en République française et Monaco. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Renault Occasion, c'est aussi de l'électrique. On voulait vous faire écouter ceci. Ce silence vous est offert par Renault Zoé d'Occasion. 100% électrique, silencieuse et accessible à partir de 59 euros par mois, hors location de batterie. Et avec l'aide à l'installation de la prise de recharge, tout le monde va passer à l'électrique. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018, conditions sur Renault.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez Alain, debout! Dès demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le café carte noire 4 x 250 grammes. Et votre journée change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'au 13 novembre, voire conditions en magasin. Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL, voici le moment donc d'appeler cette société dont on rappelle l'histoire auparavant, ma chère Charlotte. Oui, Noël Jean a payé 2550 euros pour des fenêtres et volets qui n'ont pas été posées. Ça fait quelques mois maintenant, c'était en mars. Il avait mis des sous de côté, alors aujourd'hui, il voudrait le remboursement. C'est parti, ça sonne. Nous essayons de savoir pourquoi, au bout de 7 mois, il ne s'est absolument rien passé. Comment font-ils pour avoir des prix défiant toute concurrence ? J'espère que ça va répondre. Auquel cas, Bernard tentera par tous les moyens, comme il l'a fait d'ailleurs pour le premier cas, où ça ne répondait pas forcément la première fois. Nous avons un deuxième numéro peut-être à tenter. C'est parti, faisons le deuxième numéro. Bonjour. Non, c'était le répondeur. Pour pouvoir contacter votre correspondant, merci de bien vouloir vous identifier. Ah, il faut vous identifier. C'est à vous. Alors, vous faites ce qu'il faut. Bernard, c'est à vous de jouer. Mesdames et messieurs, vous ne quittez pas l'antenne car dans quelques instants, vous entendrez une alerte. Cette alerte, vous la connaissez. Ça voudra dire qu'il y a cette entreprise en ligne et nous tenterons la négociation et essaierons de savoir ce qui se passe. Ça me permet d'attaquer maintenant sur l'arnaque en temps réel. Il peut y avoir l'alerte à n'importe quel moment. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30. Alerte. Bernard revient d'avoir quelqu'un où je vous avais dit que ça allait vite. Alors, nos tensions, nous connectons. Bonjour, allô ? Tendance fermeture, je viens de m'appeler à l'instant. Allô ? Oui, monsieur, vous m'entendez ? Tendance fermeture, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet à l'appareil. C'est la radio RTL et je suis avec Noël Jean qui attend depuis 7 mois sa commande de volets, de portes, etc. Noël Jean Bourlet. Noël Jean Bourlet à Sérincourt. Il va vous dire bonjour, Noël Jean. Oui, bonjour monsieur. Alors, qui est venu vous voir, vous, Noël Jean ? Comment ? Qui est venu vous voir, Noël Jean ? Ben, j'ai eu le commercial, Lefebvre Ludovic, et le maîtreur, Lefebvre Michael. Voilà, vous, mais c'est Michael Lefebvre, je crois qu'on a en ligne. Oui, Michael Lefebvre, alors, donc c'est le patron. Alors, monsieur, voilà, comment... Alors, allez-y. Alors, je vais vous dire, concrètement, on a prévu d'intervenir chez ce monsieur vendredi. Ce vendredi ? Ah. Mais monsieur, ça fait 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé en 7 mois ? Monsieur ? Soyez... Oui. Tendance fermeture, soyez sympa. Répondez-nous, qu'est-ce qui s'est passé en 7 mois ? Ah bah, tout simplement, nous avons eu un souci avec notre fournisseur de volets battants. Ouais. Donc, nous avons pris la décision de ne plus travailler avec lui. Ayant des commandes à honorer, en plus le commercial s'étant trompé sur la commande à la base, donc il, en fait au niveau du tarif, si vous voulez, il a fait quelque chose de vraiment où il s'est trompé, où on perd de l'argent. Ah ben ça, je veux bien, je veux bien vous croire, monsieur, parce que vous êtes quasiment à moitié hein, du prix réel. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, il faut assumer. Donc maintenant, moi, ce que je peux proposer à votre client, donc concrètement, pour être clair, c'est que moi, les volets battants, je ne les ai pas. Là. J'ai par contre tout ce qui est menuiserie PVC. Oui. Sur le devis, vous avez forcément un détail. Alors justement, en parlant du devis, monsieur, comme c'est du démarchage, puisque vous l'avez téléphoné, je crois qu'il n'y a pas de bon de rétractation. Vous savez, Maître Filoneau va vous l'expliquer. Oui, alors d'abord, monsieur, effectivement, vous avez démarché, donc vous n'avez pas mis ce bon de rétractation qui est obligatoire, sous peine de sanctions pénales assez lourdes. Oui, oui. Et donc, et surtout, monsieur, c'est que vous nous dites... La chose a été changée. D'accord, oui, mais pas à son époque. Et surtout, monsieur, vous voyez, là, votre devis n'indique pas le prix unitaire. C'est-à-dire que là, vous lui proposez de venir placer les fenêtres. Il y a deux fenêtres à placer. Et pour quel prix ? Non mais de toute façon... Oui. Alors on va demander à Joël qu'est-ce qu'il veut lui. Noël Jean, qu'est-ce que vous voulez ? Le remboursement ou que ce monsieur vienne installer le peu qu'il a ? Non, bah ouais, je veux carrément le remboursement. Voilà, et ça c'est tout à fait normal, monsieur Lefebvre. Soyez sympa, remboursez-lui la compte. Il a attendu 7 mois, il n'y a pas eu de délai de rétractation, c'était du démarchage. Il n'y a aucun souci, la chose va être faite. C'est super, faite bravo. Ben, c'est très professionnel. Donc Noël Jean, on s'appelle semaine prochaine. Est-ce qu'une semaine, ça vous va pour rembourser, monsieur ? Écoutez, moi, juste le temps de faire le nécessaire. Bon, une semaine, ça devrait être... Fin de semaine prochaine. Bon, alors, Noël Jean, on s'appelle. Je vous donne la parole dans une seconde, Maître Filoneau. On s'appelle dans une semaine et vous me dites oui, j'ai eu ou pas le remboursement de tendance fermeture de 2 550 €. Maître Filoneau. Oui, monsieur, je vous précise juste que cette demande de remboursement vous a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre. Lettre que vous n'avez pas été chercher. Vous avez été marqué pli avisé, non réclamé. Et que maintenant, vous vous exposez à des pénalités de retard. Donc, je vous exhorte vraiment à le régler dans une semaine. Comme ça, tout finira bien, tranquillement, et il n'y aura pas d'ennui. Bon, et puis voilà, maintenant, j'ai noté que vous aviez tout rectifié. Ça, c'est très bien, monsieur Lefebvre, concernant ce démarchage à domicile. Voilà, donc tout a été rectifié. Et concrètement, ça va être fait d'ici 25 prochaines. Super. Eh bien, on s'appelle avec Noël Jean et il nous dira que tout a été fait. Merci mille fois, monsieur, de nous avoir parlé. Tout le monde peut commettre une petite erreur. Voilà, tout le monde va sortir par le haut dans cette histoire et on n'en parle plus. Bernard ? Je le récupère, Julien, et on va mettre ça par écrit ensemble. Est-ce que ça vous va, Noël Jean ? Oui, ça me va très bien, Julien. Bon, donc on s'appelle, hein, vraiment, c'est JB qui va vous appeler fin de semaine prochaine pour nous dire que vous avez eu le virement. OK ? D'accord. Merci, Noël Jean. Allez, mais c'est moi qui vous remercie, Julien. Ah ben, vous voyez, Maître Novakovic, par la discussion, tout le monde est d'accord, parce qu'on peut aussi très bien décider d'aller au tribunal. Qu'est-ce qui va se passer ? On va encombrer des tribunaux. Est-ce que l'on peut se poser la question de savoir si les juges ont autre chose à faire ou pas que de régler un problème de livraison quand on sait, vous qui êtes une spécialiste du pénal, donc qui traitez les affaires très graves, meurtre, viol et toutes ces horreurs, combien de temps faut-il ? Des années, parce que ça manque de moyens. Complètement, Julien, et vraiment cette émission, votre émission, est formidable. Parce la nôtre, à tous, oui, aux auditeurs. Elle résout vraiment des tas de problèmes et évite effectivement un engorgement terrible des tribunaux. Et heureusement qu'elle existe, parce que je pense qu'on a fait beaucoup d'heureux depuis des années. Mais on a calculé, on en est à près de 20 000 qui n'ont pas dépensé un centime et qui ont vu leur affaire réglée. Pour des faits comme ça, il vaut mieux vraiment que ça se passe en discutant plutôt qu'aller devant un tribunal. Maintenant, rien ne vous empêche. Mais alors, si vous voulez prendre un avocat et aller au tribunal, mais allez-y, mes amis, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Bernard Sabat, je me suis permis de vous interrompre, Julien, parce que donc Michael Lefebvre, le gérant de Tendance Fermeture, propose la chose suivante. Il propose de faire un chèque de 1275 le 15 novembre et 1275 le mois prochain. Ouais. Est-ce que notre auditeur est d'accord ? C'est la question que je vous pose. Je lui demande d'être d'accord parce que voilà, nous sommes là pour arranger les choses. On n'est pas là pour mettre le couteau sous la gorge à cette entreprise. Bien au contraire. Ça vous va, Noël Jean ? Je veux pas y mettre, comme vous dites, le couteau sous la gorge, mais bon, j'aurais aimé la totalité, parce que j'ai plus confiance à cette entreprise. Je vais vous redire ce que je répète chaque jour, la totalité, on la demande quand on va au tribunal. Nous ne sommes pas un tribunal et nous ne le serons jamais. Nous ne sommes là pour que les gens discutent entre eux. Chacun fait un petit bout du chemin, voilà, il va vous rembourser en deux fois. Je pense qu'il faut accepter, Noël Jean. D'accord, j'accepte. Allez, on se tient au courant. Par contre, après, on espère que cet homme va tenir parole. On se tient au courant après chaque versement. Merci à ce monsieur, en tout cas. Voilà, ça fait deux cas qui vont se régler. Ça, c'est formidable. En à peine 45 minutes. Et nous allons donc passer à cette fameuse arnaque en temps réel dans quelques instants. Et puis, il y aura le troisième cas, Charlotte. Oui, Angélique, 8 ans après la construction de sa maison, des taches sombres apparaissent au plafond, mais le constructeur refuse de remédier au problème.

C'est Speed et c'est Zazie. Nous revenons, Charlotte, sur le cas de Noël Jean. Il a été séduit par un tarif attractif sur des fenêtres et volets, mais depuis le paiement de son acompte de 2550 euros en mars, les travaux n'ont pas commencé. Le gérant a pris ses responsabilités, nous a expliqué ce qui s'est passé. Le commercial s'est un peu planté sur le devis, a vendu trop peu cher. En plus de ça, il a lui-même été planté par un fournisseur. Donc il a dit, satisfaction du client, chez moi c'est la priorité, chez Tendance Fermeture. Donc je vais le rembourser en deux fois. Et puis là, il reprend la parole, Bernard. Exactement, il vient de me rappeler lui-même et il a une proposition à faire à Noël Jean. Je vous écoute, Michael. Voilà, alors, étant donné que c'est vraiment pas la façon de faire de l'entreprise et que je m'excuse mille fois auprès du client d'avoir eu des problèmes là-dessus, ces menuiseries, elles sont payées, commandées dans l'entrepôt. Donc, je m'engage, s'il veut, en guise de dédommagement, à lui installer la porte et la fenêtre qui étaient prévues, en plus des volets battants, et ça, à titre gracieux, en guise de dédommagement. Eh bien, Noël Jean, avez-vous entendu ? Non, j'ai pas bien compris. Eh bien, il est en train de vous dire qu'il va partir avec votre femme 15 jours, vous piquer votre voiture et mettre le feu à votre maison. Et nous, on trouve ça formidable, Noël Jean. Ça vous va ? Je l'attends. Non, pour ma femme, ce qui est dit, hein. Non, Noël Jean, non seulement il va vous rembourser, comme il l'a dit, mais le matériel qu'il a, il vous l'installe gratuitement. C'est pas beau, ça ? Ah si, c'est très bien. Eh ben voilà, là, et on dit bravo à Tendance Fermeture, qui est à Vrigne-aux-Bois. Vous êtes un grand pro, monsieur, on vous applaudit. Voilà, c'est des grands patrons. On fait tous des erreurs, mais le grand patron est celui qui sait les réparer. Donc bravo à vous, à Vrigne-aux-Bois, Tendance Fermeture, monsieur Michael Lefebvre, qui a tout notre respect. Oui, donc je rappelle donc qu'il y a une porte et une fenêtre qu'il va installer avant la fin novembre. Merci beaucoup. Noël Jean, on se tient au courant de tout ça sur l'antenne d'RTL, d'accord ? Ce que je reproche à l'entreprise, non, c'est le on ne reproche plus rien. On ne reproche plus rien. Il y a eu une bêtise, ça a été réparé. On est positif, on va de l'avant. D'accord, Jean-Noël ? Ou Noël Jean ? La communication, ça ne fait pas de oui, mal. Oui, non, mais ça ne fait pas de mal. Mais d'un autre côté, on n'aurait pas de boulot. Hein. Allez, merci oui. Noël Jean. Je vous souhaite une bonne journée. L'arnaque en temps réel, dans quelques instants, sur l'antenne d'RTL. Nous allons partir dans la Manche libre, où vous allez voir un démarchage par téléphone. Et il y en aurait pour une somme extraordinaire. Je vous raconte tout ça dans quelques instants. Le troisième cas arrive. C'est toujours RTL, la première radio de France que vous écoutez. Bonne journée. Heure 12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. Dites-moi Stéphane, Royal hier, le roi aujourd'hui, vous le faites exprès ou quoi ? Mais non, mais c'est Nolwenn le roi, il vient pour un album en plus. C'est le peuple, c'est folk. Oui d'accord, enfin quand même. À la bonne heure, c'est sur RTL, c'est à 11h. À tout à l'heure. Ah au fait chérie, j'ai appelé le plombier pour la fuite. Tu sais, dans la cuisine. Quoi ? Mais enfin c'est ridicule, je suis plombier. Bah oui, mais t'es jamais là. Parce que les pros n'ont jamais de temps pour eux, Nissan leur facilite la vie avec une offre tout compris. Pendant le mois de l'utilitaire, profitez d'offres sans apport, avec garantie 5 ans, entretien et assistance inclus sur le pick-up Navara et toute la gamme utilitaire. Nissan, innover autrement. Jusqu'au 30 novembre, sauf ENV200 fourgon réservé aux professionnels, garantie constructeur 5 ans, 160 000 km, sauf ENV200. Entretien assistance 4 ans en crédit bail, détail Nissan.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Bon, des nouvelles de Lidl ? Ah, elle est toute fraîche, hein ? Et il y en a 8. C'est le club des frais. 8 jolies peluches à collectionner. Des fruits et légumes trop mignons, patron. Oui, bon, tu m'en dis plus ? Plus ? Eh ben, du 26 septembre au 25 novembre, pour 15 euros d'achat, les clients reçoivent une vignette. Et en échange de 18 vignettes plus 99 centimes, ils emportent une peluche. Moi, ma préférée, c'est le brocoli. Arrête, j'en peux plus. Ah ben, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Modalité de l'opération disponible sur lidl.fr/club des frais. Picard. La pâte qui croustille, la douceur du chèvre frais, les noix qui croquent, et cette petite touche de miel. Je ne sais pas vous, mais moi, cette pizza, je l'aime passionnément. Réjouissez-vous, en ce moment, vos produits Picard préférés sont à moins 30% avec la carte Picard et moi, comme la pizza chèvre miel noix à seulement 2,63€, soit 6,57€ le kilo. Picard, chaque jour un goût nouveau. Produit élu par plus de 100 000 clients Picard, voire conditions en magasin et sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Réglez ma conso d'énergie sur 67€. mois-ci. Faites des économies avec votre plus belle voix. Découvrez Soi, le seul fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte avec une station connectée à commande vocale pour faire jusqu'à 16% d'économie d'énergie. Soi est une filiale d'EDF. Conditions, éligibilité, liste des opérations pilotables à la voix et détails des économies d'énergie possibles sur Soi.fr. Soi s'engage à ce qu'il y ait autant d'électres renouvelables que d'électres consommés injectés dans le réseau. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Brrr, le froid arrive. Dites, pour que votre voiture passe bien l'hiver, vous n'allez quand même pas lui tricoter une couverture ? Une maille à l'endroit, une maille à l'envers ? Non, la solution, c'est le bilan sécurité hiver chez Renault Service. Et c'est le moment, il est offert. Voyez, inutile de vous mettre au point de croix. En plus, si vous deviez changer votre batterie, Renault reprend l'ancienne, 15 euros. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et d'après la Manche Libre, une veuve de 78 ans, domiciliée à Bayeux dans le Calvados, a été victime d'un démarchage abusif par téléphone. La vieille dame s'est laissée convaincre d'accepter un rendez-vous avec le représentant d'une société de rénovation. Une fois sur place, le commercial a fait signer à la septuagénaire un contrat d'emprunt d'un montant de 4500 euros. Problème. Le jour des travaux, les ouvriers ne se sont occupés que du nettoyage du toit et pas du système de renouvellement d'air comme l'avait compris la retraitée. Sentant le coup fourré, elle a tout de suite fait interrompre le chantier. Mais les ouvriers ont exigé un chèque de 1237 euros qu'ils ont immédiatement été déposés. Choqué, la retraitée a porté plainte. Le gérant de la société a été condamné à 120 jours amende de 20 euros. Qu'est-ce que c'est qu'un jour amende, Maître Novakovic ? Bah, un jour amende, en fait, ce sont des amendes sursis, si je puis dire. En fait, c'est pas très. Moi, je suis très choquée par cette décision. Je la trouve pas très sévère. En ce sens que vous comprenez bien que là, on est dans un abus de faiblesse. Ça a été reconnu par le tribunal correctionnel. Et malgré tout, on n'a pas de prison avec sursis. Parce qu'à un moment donné, on voit des abus. Sans arrêt, si vous voulez, Julien. Regardez tout à l'heure, on a encore un abus de faiblesse. Enfin, on a tout le temps des problèmes de démarchage. Donc, c'est toujours terrible de voir ces personnes âgées qui se font avoir de cette manière. Il faudra légiférer un jour encore plus. Voilà, il faut légiférer. Je trouve que la décision, bon, elle mérite d'exister, mais si vous voulez, ça ne fait pas peur à ce genre de personnage. Il vaut mieux la prison avec sursis. Bon, il y a simplement des dommages et intérêts de 700 euros versés à l'association UFC Que Choisir. Pourquoi pas ? Mais c'est pas très sévère. Bon, merci en tout cas, mon cher JB, pour cette arnaque en temps réel. Le troisième cas arrive dans une seconde. Il s'agit d'Angélique. On va lui dire bonjour. Bonjour Angélique. Bonjour Julien. Oh, je sens votre voix, vous êtes aussi belle que la Angélique qui a bercé mon enfance. Vous nous appelez d'où ? De Moselle. De Moselle. Alors en deux mots, Angélique, expliquez aux auditeurs d'RTL le but de votre appel ce matin. Alors, en 2017, on a constaté des taches sur les plafonds de pratiquement toutes les pièces de notre maison. On a alerté le constructeur et on a contacté la CEGC. Qui se retranche derrière la garantie décennale qui ne peut pas être appliquée. Et depuis, notre assurance fait des courriers qui restent sans répondre. Alors, votre protection juridique a mandaté une seconde expertise qui a conclu, vous nous l'avez dit, qu'il y avait une faute au moment de la réalisation de l'ouvrage dans la pose des rails de fixation de faux plafonds. Et ça entraînerait la création de ponts thermiques, d'où les taches. Donc aujourd'hui, personne ne fait rien pour vous. Maître Novakovic va intervenir dans quelques instants, nous dire ce qu'il convient de faire quand on vit la même situation. Et nous préparons le numéro de téléphone de celui qui a construit pour qu'il nous donne sa version des faits. Ça se passera après avoir écouté ce morceau lancinant. Érotique, comme d'ailleurs les hôtesses qui vont vous faire voyager sur Air Tahiti Nuit. Voilà, Air Tahiti Nuit, puisque vous partez, je vous le rappelle, dans un paradis exotique, vous partez à Tahiti grâce à RTL. Oh oui, 3210 pour gagner le voyage, ou bien par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Tirage au sort à la fin de l'émission, faites vite, Tahiti vous attend, ils sont là, ils vous accueillent, le collier de fleurs autour.

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti, Charlotte, rappelez ce qui arrive à Angélique et pendant ce temps-là, nous préparons le numéro. Il y aurait eu une malfaçon au moment de la construction de sa maison en 2010 et 8 ans plus tard, son plafond est envahi de taches noires. Maître Novakovic, c'est vous qui allez prendre la parole dans quelques instants dès que j'aurai un interlocuteur dans cette société. Allô ? Bonjour, Maison Noblesse. Bonjour, Maison Noblesse, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct au moment où je vous parle sur la radio RTL. Est-ce qu'éventuellement Monsieur Charleux est là ? Non, Monsieur Charleux n'est pas là. Bon, alors je vous appelle pour le cas d'Angélique Piernet qui a eu des petits soucis lors de sa construction. Qui peut me parler chez vous, chez Maison Noblesse ? Ne quittez pas, je vais vous passer. Merci beaucoup. Merci. Alors, si jamais vous connaissez Monsieur Charleux, vous pouvez peut-être le prévenir en lui demandant de nous appeler pour qu'il nous donne sa version des faits. C'est toujours mieux quand on parle quand même au président d'une boîte. Et là, nous avons quelqu'un qui est revenu ou pas ? Allô ? Pour l'instant, non. Bon, d'accord. Donc, Maître Novakovic, vous n'avez pas donné votre analyse juridique du dossier. Oui. Alors, il faut savoir que notre auditrice a contacté, a eu un bon réflexe, elle a contacté l'assurance. Elle espérait effectivement que la garantie décennale allait fonctionner. Mais l'assurance a refusé au motif qu'il y aurait une faute commise par le constructeur. Et je vous interromps, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Allô ? Oui. Oui, bonjour, vous êtes la dame que j'ai eue tout à l'heure ? Oui, je suis la même dame, mais alors, c'est préférable que ce soit Monsieur Charleux qui vous réponde. Alors, pouvez-vous lui envoyer un petit texto ? Un petit texto ? Oui, vous pouvez lui en envoyer en lui disant qu'on est actuellement en direct sur RTL ? Ah, alors attendez. Ah, un texto. Vous prenez son numéro de portable ? Allô ? Allô ? Ah, c'est quelqu'un d'autre ? Oui. Bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Oui. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un petit texto à Monsieur Charleux pour qu'il puisse nous rappeler ? Alors déjà, ses clients, c'est qui ? Ça s'écrit comment ? Alors, ça s'écrit Piernet, P-I-E-R-N-E. P-I-E-R-N-E, et on aurait construit en quelle année ? Vous avez construit en 2010. 2010, alors c'est sans doute des gens qui ont... Attendez, on regarde... Parce que de mémoire, moi, ça ne me dit rien. Attendez, quittez pas. Je vous en prie. Alors, c'est Angélique qui a parlé ? Oui, juste, il y a peut-être le deuxième nom de famille à donner, qui est le nom de famille de mon conjoint. Alors, oui. Il y a peut-être un deuxième nom sur le dossier, c'est Monsieur quoi, non, Angélique ? Monsieur comment ? Angélique ? Mitoire, Monsieur Mitoire. Mitoire. Voilà. D'accord. Je vous laisse regarder, voilà. Madame. Oui, on a construit à Charlie Oradour. D'accord. Récupérez, s'il vous plaît, Charlotte, Bernard et Céline, vous disiez. Donc, on repart sur l'analyse juridique de ce dossier de Maître Novakovic sur RTL. Alors, effectivement, l'assurance avait indiqué que l'assurance décennale ne pouvait pas fonctionner. Et je cite, effectivement, l'assurance qui explique que, compte tenu de l'existence d'une faute au moment de la réalisation des éléments affectés au désordre, la notion de désordre intermédiaire peut être retenue. Donc, il estime, par lettre commande, donc il a adressé au constructeur que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée. Et malgré cette lettre commandée qui a été adressée donc par l'assurance le 16 août 2018, il n'y aurait pas eu de suite et pas d'avancement de la part de ce constructeur. Nous en sommes, Céline, avec quelqu'un, Bernard ? Alors, c'est Bernard. Oui. Madame va nous donner des explications en direct, Julien. Ah, madame, je vous écoute en direct sur RTL. Oui, alors, pas de souci. Parce qu'en fait, c'est Monsieur Mitoire, le mari. Est-ce que Monsieur Mitoire nous a déjà envoyé des courriers commandés ? Alors, on demande à Angélique, on en a plein. Alors, on en a plein. L'assurance a fait le nécessaire, oui. Alors, la CJ, si elle avait fait le nécessaire et si elle nous avait écrit, on aurait alors, forcément... Alors, pas la CEJ, hein. Moi, j'ai le rapport d'expertise de la CEJC. Oui. Ah, d'accord, oui. Monsieur Thomassin était présent lors de l'expertise. Oui. Et j'ai aussi mon assurance personnelle. Oui, mais alors la CEJC dit quoi ? La CEJC dit qu'il y a une malfaçon. Alors, personnellement, bon, moi, c'est pas de mon ressort, donc c'est sûr que ça aurait été mieux que le alors, PDG puisse répondre. Madame, plutôt que de parler pour ne rien dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à envoyer un petit texto assez rapidement à Monsieur Charleux ? Oui, pour vous dire quoi ? Pour lui dire, Monsieur Charleux, virgule, Julien Courbet sur RTL actuellement fait une émission où il y aurait... Oui, je connais votre émission, c'est pas de souci. Non mais vous me demandez ce qu'il faut lui dire, donc je vous dicte le texto. Pouvez-vous le rappeler à tel numéro et je vous donne le numéro ? Alors, attendez, Claudie, tu notes, s'il te plaît, un numéro de téléphone. C'est parti. Alors, attendez, vous le donnez en antenne, allez-y. Mais bon, de toute façon, on sait ce qu'on a à faire. S'il y a eu un jugement, pas un jugement, s'il y a eu une expertise, madame, c'est que c'est dans les tuyaux. Hein. Écoutez-moi, je vous appelle pour vous proposer un problème. Là-dessus, vous me dites, c'est mieux que ça soit monsieur Charleux qui le fasse. Je vous dis, envoyez un texto à monsieur Charleux, et là, vous me dites, de toute façon, on sait ce qu'on a à faire, il n'y a pas besoin de lui parler. Alors, envoyez ce texto et qu'on n'en parle plus. Alors, on vous donne le numéro, merci beaucoup. Allez, vous lui donnez, s'il vous plaît. On lui donne. Ah, c'est quand même incroyable, ça vous rendez compte? 6 minutes pour finalement en arriver au départ de la conversation. C'est demande un texto, mais on va lui envoyer le texto. Mais qu'est-ce que les juifs disent? Ben, de nous rappeler, mais on n'a pas besoin. On connaît le problème, alors expliquez-moi le problème. Ben, le mieux, c'est que ça soit lui qui vous le dise. Je comprends parfois quand Angélique, certains peuvent les plomber, ça fait partie du charme de l'émission. Angélique, je vous mets en attente, le temps qu'on ait M. Charleux. Prenez rendez-vous demain matin avec nous, Angélique, soyez disponible, car on revient sur votre cas. Rapidement, maître Noël. Alors, et pour compléter donc l'analyse, il faut bien, effectivement, Angélique l'a rappelé, il y a effectivement un rapport d'expertise qui a été établi. Et malheureusement, lorsqu'il n'y a pas d'accord et lorsqu'il n'y a pas de suite, eh bien, ce que je conseille toujours aux auditeurs, c'est d'aller en référé pour demander une expertise judiciaire pour que ça ne soit pas contesté. Dans quelques instants, le retour sur des cas qui ont été traités cette semaine et surtout le nom. Vous pouvez encore appeler, mais faites vite, au 3210 ou bien envoyez RTL au 74 900 par SMS, car dans quelques instants, l'une ou l'un d'entre vous part à Tahiti grâce à l'anniversaire de Air Tahiti Nuit. A tout de suite sur RTL. Et pendant les 125 jours au champ, c'est la journée d'Alain qui change. Avec 70% en cagnotte sur le café carte noire pour l'achat d'un lot de 4 fois 250 grammes. Moins 70% sur ton café Alain. Toi qui te réveilles à 8h alors que tu commences à 8h. Allez Alain, debout! Dès demain, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 70% en cagnotte sur le café carte noire 4 fois 250 grammes. Et votre journée change. Auchan. Montant crédité sur votre compte Wahoo, offre valable jusqu'au 13 novembre, voire conditions en magasin. Optique 2000, pour moi les meilleurs opticiens. Véronique, qui a 44 ans et vit à Besançon, nous dit pourquoi. C'est des gens très compétents et à l'écoute du client, qui répondent à nos besoins. Il y a des conseils au niveau des lunettes. En fonction de mon visage, j'y trouve vraiment un service de qualité. Au niveau des devis, on regarde le coût, que ce soit des montures ou des lentilles. Donc on sait au plus juste ce que l'on doit pour une paire de lunettes. Il n'y a pas de surprise. Et puis en même temps, il y a un suivi chaque année. C'est mon opticien à part entière. Laurent Sifferlin, l'opticien Optique 2000 de Véronique à Besançon. Pour nous, ce qui est important, c'est la satisfaction de nos clients. Aussi bien dans le choix de la monture, en apportant un conseil qui soit technique et professionnel, que dans l'adaptation des verres et le suivi personnalisé qui en découle. Et Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, donc nous traitons tout pour nos clients. Alors Véronique, contente d'Optique 2000? Oui, et gère tout pour moi, même les papiers. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Jusqu'au 22 novembre 2018, c'est l'opération Collect Box dans votre boutique Carré Blanc. Chaque kilo de linge de maison usagée que vous rapporterez se recycle en bon d'achat Carré Blanc de 10 euros. C'est gagnant pour la planète et pour votre budget. Carré Blanc, éditeur de linge de maison, révélateur d'inspiration. Voir conditions dans les boutiques participantes et sur carréblanc.com. Collect Box égale boîte de collecte. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire la compacte urbaine Peugeot 208 et si vous êtes impatient de déjouer les contraintes de la ville et de vous garer facilement avec son parc assist, alors n'attendez pas l'année prochaine, rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre Peugeot 208. LLD 37 mois, 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Bonjour, c'est moi le pavé de Romsteak des restaurants La Boucherie. Oui, je sais, je suis bien dodu et j'assume. Pourtant, j'ai maigri. Je veux dire, au niveau de mon prix. J'ai perdu 4 euros quand même. Oui, en ce moment, dans votre restaurant La Boucherie, le pavé cœur de Romsteak, origine France, est à seulement 13,90 euros. Et ça me va bien. Pour votre santé, bougez plus. Conditions et adresses sur laboucherie.fr. Leclerc. Juliette, regarde. Tadam ! T'as un iPhone, toi ? Avec les super promos Leclerc, l'iPhone 6 avec 32 gigas de mémoire et reconnaissance digitale est à 349 euros. Pour cet iPhone ? Je le crois pas. Si, et avec en plus 50 euros de ticket Leclerc. Du 6 au 10 novembre, c'est les super promos chez Leclerc. L'iPhone 6, 32 gigas, gris sidéral, Apple, est à 349 euros. Avec en plus 50 euros en ticket Leclerc. Vendu seul, compatible tous opérateurs, voire modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. Je peux le voir ? Oui, mais alors de loin. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Le 9h30-11h sur RTL. Est-ce que nous avons du nouveau, s'il vous plaît, Céline ? Alors, j'ai communiqué nos coordonnées téléphoniques et j'attends qu'on nous rappelle, peut-être dans l'après-midi. Bon, alors, ne vous inquiétez pas, je le redis à l'auditrice. Demain matin, Angélique, vous êtes prioritaire. Nous laissons Maison Noblesse CMI à Vendreuve-les-Nancy rappeler son président, qu'il puisse nous donner sa version des faits. C'est beaucoup mieux. On l'a vu ce matin, on a deux directeurs de sociétés qui sont venus sur l'antenne, qui ont dit effectivement, il y avait un souci et on le règle. Il n'y a pas de raison que nous n'avancions pas avec eux. Je crois que ce sont des gens sérieux. On fait ça, Angélique ? Elle est partie, elle vient de raccrocher, mais bien, elle est au courant. Bonne route, Angélique, puisque vous êtes partie. Nous allons revenir sur le cas de Magali. Voilà ce que Magali, ça s'est passé hier d'ailleurs. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Et Magali nous a dit ceci. Je vous appelle de Loire-Atlantique. J'ai acheté un hangar que je veux transformer en loft. Hélas, il est mitoyen au bien de mon voisin qui n'a pas de toit. Dès qu'il pleut chez lui, l'eau se déverse chez moi et pour l'instant, je paye 2 crédits pour rien. Il y a des photos, je vous le rappelle, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Regardez, parce qu'on comprend tout de suite la situation. Un hangar séparé en deux. Droite du hangar, Magali qui essaie de l'aménager en maison. À gauche, on n'a toujours pas mis de toit, donc ça se remplit d'eau et son mur est imbibé d'eau. Exactement, il y a vraiment un défaut de la part de ce propriétaire qui laisse perdurer la source d'une infiltration qui est grave. Nous avions eu hier la voisine, Anne-Sophie Criot, qui prétendait avoir été agressée par Magali, avoir déposé plainte. Magali n'a absolument aucune nouvelle de rien. Elle n'a pas été convoquée par la police et la gendarmerie. D'ailleurs, je vous pose la question, avocate pénaliste Maître Novakovic, quand on dépose plainte pour violence, on est assez vite convoqué quand même. Normalement, oui. Si les violences sont avérées, qu'il y a des certificats, oui, normalement, il y a des convocations. Là, à moins que Magali nous mente, rien du tout. Elle nous a dit aussi qu'elle ne travaillait plus en tant qu'agent immobilier. Enfin, elle nous a dit « je ne suis plus à Nantes », très exactement, à l'espace atypique. Céline, y a-t-il du nouveau ? Oui, alors la voisine nous a recontactés hier après-midi. Elle n'était pas très contente qu'on l'appelle à l'antenne. Elle n'a quand même réussi à nous parler hors antenne. Elle nous expliquait qu'elle était en conflit avec son maître d'œuvre. Donc le dossier est entre les mains de son avocate. Elle ne souhaite plus s'exprimer avec nous. J'ai également été en ligne avec le gérant de Espace Atypique et donc l'agence immobilière où travaille la voisine, qui n'était pas content également qu'on le cite à l'antenne. Et on rappelle quand même que cette agence immobilière n'a rien à voir avec l'achat de ce bien. Rien du tout. Mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, cette dame, c'est que si elle est en conflit avec son maître d'œuvre, maître Felono, ça ne l'exonère pas de vite mettre une bâche parce que tous les dégâts qu'elle est en train de faire, elle les paiera. Là, effectivement, là, je dois dire qu'elle, elle est en tort quoi qu'il arrive. Mettre une bâche, ce n'est pas faire des réparations, ce n'est pas paralyser les opérations d'expertise qu'elle pourrait avoir avec à l'occasion de son conflit avec le maître d'œuvre. Donc, elle est vraiment en tort. Il faudrait qu'elle communique avec sa voisine pour que son avocat puisse effectivement la conseiller. Il faut surtout, Céline, puisque vous êtes sur ce dossier que l'on appelle le maître d'œuvre. Ce que nous ferons demain, vous essayez de le retrouver ? Oui, ça marche, avec Allez, plaisir. On continue sur ce dossier, on ne lâche pas, chaque jour on revient sur le dossier de la veille. Mais là maintenant, le téléphone va sonner. Maître Novakovic et Maître Felono seront derrière la porte chez vous, munis d'un pareo qu'elles se partagent. Ce n'est pas un chacun, c'est un pour deux. C'est notre coco aussi peut-être. Je vous en prie, Maître Novakovic. Julien n'est pas là. Allô ? Allô ? Oui ? C'est Morissette ? Allô ? Ah, j'ai fait mon numéro. C'est pas Morissette ? Ah non, pas du tout. C'est Patricia ? Si, c'est Patricia. Ah oui ? Oui. C'est Julien. Oh non ! S'il vous plaît, vous pourriez au moins faire semblant de croire à mes blagues à deux balles, Patricia, parce que pendant qu'on sera là en train de se geler, la Patricia, elle sera à Tahiti ! Oh là là, super ! Mais tu m'étonnes, super ! C'est un voyage extraordinaire, vous voulez dire, Patricia ? Oh là là, bah sûrement, oui ! Est-ce que vous allez partir avec votre mari ? Oui, bah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez 40 ans de mariage pour partir à Tahiti, mais quel voyage fantastique, oh là vous là vous rendez compte ? Vous en rêviez un petit peu, on en rêve tous d'aller là-bas. Moi, j'ai jamais été là-bas. Hein. Non, c'est ce que vous disiez, que l'avion, ça faisait un peu loin. Hein. Ben c'est sûr, il va falloir faire une petite escale. Vous allez faire partir de Roissy, Orly, où là vous ferez une escale, et ensuite vous partirez à Tahiti. Je vous souhaite un très très beau voyage. Merci tonton Georges pour nous faire gagner d'aussi beaux cadeaux. Vous vous rendez compte, cette auditrice va partir à Tahiti. Et bon anniversaire à Air Tahiti Nuit, super compagnie, vous nous dites. C'est les 20 ans justement de Air Tahiti Nuit, Julien. Bon voyage, envoyez-nous une petite carte postale.